Le prisonnier de José María de Heredia. Enregistré pour LibriVox.org. Là-bas, les muezzines ont cessé leurs clameurs. Le ciel vert, au couchant, de pourpre et d'or se frange. Le crocodile plonge et cherche un lit de fange, et le grand fleuve endort ses dernières rumeurs. Assis, jambes en croix comme il sied au fumeur, le chef rêvait, bercé par le haschich étrange. Tandis qu'avec effort faisant mouvoir la cange, deux nègres se courbaient nus au banc des rameurs. À l'arrière, joyeux et l'insulte à la bouche, grattant l'aigre guzla qui rythme un air farouche, se penchait un arnaut à l'œil féroce et vil. Car lié sur la barque et saignant sous l'entrave, un vieux chèque regardait, d'un air stupide et grave, les minarets pointus qui tremblent dans le Nil. Fin du poème. Cet enregistrement appartient au domaine public.